Tu es rempli d'épouvante, Kitty. C'est vrai. Et moi aussi. Vous aussi. Vous si fort. Vous que rien n'a jamais ému devant moi. Mon Dieu. Qu'y a-t-il donc ici que je ne puis comprendre? Ce jeune homme nous a tous trompés. Il s'est glissé ici comme un pauvre, et il est riche. Ces jeunes gens, ne lui ont-ils pas parlé comme à leur égal? Qu'est-il venu faire ici? Qu'a-t-il voulu en se faisant plaindre? Pourtant, ce qu'il dit a l'air vrai, et lui, il a l'air bien malheureux. Il serait bon que ce jeune homme mourût. Mourir? Pourquoi? Parce que mieux vaut la mort que la folie, et que la plus forte raison ne résisterait pas à ce qu'il souffre. Je dois te dire toute ma pensée, Kitty belle. Il n'y a pas d'ange au ciel qui soit plus pur que toi. La Vierge Mère ne jette pas sur son enfant un regard plus chaste que le tien. Et pourtant, tu as fait, sans le vouloir, beaucoup de mal autour de toi. Puissance du ciel, est-il possible? Écoute, écoute, je t'en prie. Comme le mal sort du bien, et le désordre de l'ordre même, voilà ce que tu ne peux t'expliquer, n'est-ce pas? Eh bien, sache, ma chère fille, qu'il a suffi pour cela d'un regard de toi, inspiré par la plus belle vertu qui siège à la droite de Dieu, la pitié. Ce jeune homme, dont l'esprit a trop vite mûri sous les ardeurs de la poésie, comme dans une serre brûlante, a conservé le cœur naïf d'un enfant. Il n'a plus de famille, et sans se l'avouer, il en cherche une. Il s'est accoutumé à te voir vivre près de lui, et peut-être s'est habitué à s'inspirer de ta vue et de ta grâce maternelle. La paix qui règne autour de toi a été aussi dangereuse pour cet esprit rêveur que le sommeil sous la blanche tubéreuse. Ce n'est pas ta faute si, repoussé de tous côtés, il s'est cru heureux d'un accueil bienveillant. Mais enfin, cette existence de sympathie silencieuse et profonde est devenue la sienne. Te crois-tu donc le droit de la lui ôter? Hélas, croyez-vous donc qu'il ne nous ait pas trompés? Kitty, ne lis-tu pas sur le front de Chatterton la timidité de la misère? Moi, je l'ai sondée. Elle est profonde. Oh mon Dieu! Quel mal a dû lui faire ce que j'ai dit tout à l'heure? Je le crois, madame. Madame? Ah, ne vous fâchez pas, si vous saviez ce que j'ai fait et ce que j'allais faire. Je veux bien le savoir.